إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم donc on reprend le cours de Al-Wala wal-Bara et le titre en arabe c'est حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة. Et on est arrivé au cours 32. Donc, maintenant on est dans le chapitre 8. Le chapitre 8. Et il s'intitule Asbab al-Inhiraf fi fahmi aqidati al-wala'i wal-bara. C'est-à-dire les causes de la déviation dans la compréhension de al-wala wal-bara. La compréhension de la aqida de al-wala wal-bara. On a parlé au dernier cours, avant le ramadan, yani, on a parlé de yani, qu'est-ce qui a rapport avec les causes de déviation dans Al-Wala Al-Bara lorsqu'on a commencé le principe numéro 8, c'est-à-dire le chapitre numéro 8. Et le Cheikh, yani, c'est le Cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani. Hein, comme étant donné que c'est lui qui a écrit le livre, et on a expliqué que ce livre-là a été relu et préfacé par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc, il a divisé les gens qui ont dévié, ou bien plutôt la position des gens par rapport à Al-Wala Al-Bara et les causes de leur divergence, égarement ou déviation par rapport à cette question-là, il les a divisés en catégories. Donc on avait expliqué que il y a des gens qui sont dans l'exagération par rapport à Al-Wala Al-Bara et qui font rentrer dans Al-Wala Al-Bara ceux qui n'en font pas partie, hein, et donc à cause de ça ils font le takfir de certains musulmans ou certains dirigeants ou certains ulama pour des choses qui n'entrent même pas dans Al-Wala Al-Bara, hein, ou bien parfois qui sont des péchés peut-être parfois, mais qui ne font pas sortir de l'islam, et eux ils utilisent ces éléments-là pour faire le takfir. Et il y a une autre catégorie, un autre extrême qui eux considèrent que il n'y a pas de wala wal-bara, on doit aimer tout le monde et être satisfait de tout le monde et on doit détester personne, et qu'il faut aimer les kuffars et les mouchtikines de la même manière que les mu'minin. Donc ça c'est les deux égarements et deux extrêmes. La première exemple d'extrême, c'est l'extrémisme, c'est celui des khawarij et celui des laxistes, hein, qui rejette Al-Wala Al-Bara complètement ou en grande partie. Ce sont souvent les soufis ou bien les modernistes, les gens de ces tendances-là, ou bien les batiniyas, différentes catégories de ces gens-là. Donc on a parlé de cette première catégorie Et on a parlé d'une autre catégorie qui, parfois, ça peut être yani, qu'ils font une erreur dans cette compréhension-là, mais qui reste toujours, yani, en tout cas, si vous retournez au dernier cours, le cours 31, vous allez trouver les détails de, ces, de cette classification-là. Et là, on parlait en dernier lieu, on a parlé des gens qui yani, avaient yani, les caractéristiques des Khawarij, et on a montré cet exemple-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Dhul Khuwaysira. On a parlé de Dhul Khuwaysira. Et comment il est sorti contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de séparer le butin, et il a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la façon dont il avait distribué le butin, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à son sujet, et il a averti au sujet de ceux qui allaient venir par la suite, qui allaient être sur la même voie que lui. Naam. Donc, après avoir mentionné cette troisième catégorie-là maintenant, le cheikh il explique, il dit « Aqulu ma ashbahu al-layla bil-bariha. لقد كان هذا الباب أعني عقيدة الولاء والبراء أحد الأبواب التي ولج منها الخوارج قديما ومن وافقهم حديثا في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم بحجة موالاة الكفار ولم يفرقوا بين ما يكون من الأعمال كفرا أو فسقا أو مباحا وإنما جاء ضلال هؤلاء الواقعين بالتكفير الباطل من طريقين كل منهما ضلالة. Donc, le cheikh il explique que, yani, on voit des ressemblances, hein, comme, entre qu'est-ce qui se faisait à l'époque chez les Khawarij, comme Dhul Khuwaysira, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce que les Khawarij de notre époque aujourd'hui font. Yani, donc, il dit ma ashbahu al-layla bil-bariha. Donc, c'est pour dire, yani, que comme les temps, les choses se ressemblent, peu importe la différence yani, du temps. Donc, yani, cette question, ce sujet de Al-Wala wal-Bara, de la aqida de Al-Wala wal-Bara, c'est une des portes par laquelle les Khawarij ont, dans le passé, yani, essayé de rentrer pour faire le takfir et pour rendre licite le sang des musulmans. Et c'est la même chose aujourd'hui. Yani, les Khawarij contemporains, les néo-Khawarij, ils utilisent la même chose. Ils rendent licite le sang des musulmans et ils font le takfir des musulmans sous prétexte qu'ils prennent les kuffars pour alliés, et ils n'ont pas fait la distinction entre les actions qui sont parfois kuffr ou fisq, c'est-à-dire qui sont un péché, qui sont mécréances ou péché, ou bien des choses qui sont permises, hein, parfois. Donc, ces gens-là, ils sont tombés dans l'égarement à ce sujet-là. Ils sont tombés dans le takfir, qui est basé sur des compréhensions fausses de deux façons. Par deux façons qu'ils sont tombés dans ces égarements-là. Donc, le cheikh, il va donner l'explication de ces deux raisons ou deux causes par lesquelles ils sont tombés dans ce takfir incorrect. Et il dit que les deux causes, ou les deux moyens, les deux façons sont des égarements. Donc il dit « الطريق الأول الأخذ بإطلاقات بعض النصوص الشرعية دون فهم المراد بها كما فعلت الخوارج » Donc, le premier, et ça c'est quelque chose qu'on constate même à notre époque aujourd'hui, chez les Khawarij, donc c'était vrai dans le passé et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est qu'ils prennent les termes, des termes qui sont mentionnés dans certains textes de la charia de façon absolue, hein, et ils les prennent tels quels sans comprendre la réalité de ces textes-là. Hein. Donc il y a dans certains textes certaines choses qui sont mentionnées, certaines choses qui sont expliquées de façon absolue et générale, et eux ils les prennent tels quels sans les ramener à d'autres textes pour les comprendre correctement, et ils essaient de les appliquer sur les gens comme ça, et donc ils tombent dans le takfir hein, sans avoir compris la réalité de ce qui est voulu par ces textes-là. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia, qui est un des imams parmi les imams des salafs, qui a écrit un livre sur la Aqida et le manhaj des salafs al-Salih, qui s'appelle Al-Sharia. C'est un très bon livre. Et il dit dans ce livre-là, l'imam Al-Ajurri, non. Donc, en note de bas de page, il dit وسيأتي مزيد تفصيل ومثال للطريق الأول في فصل أقسام الموالاة الثلاثة وأن البعض حمل جميع النصوص الواردة في الموالاة على القسم الأول المخرج من الدين دون فهم وتقدم بعض الطريق الثاني في المسألة الثالثة من المقدمة براءة أئمة الدعوة ممن ينتسب إليهم من الغلاة. Donc il dit il va y avoir plus de détails qui vont être mentionnés dans un chapitre qui va suivre lorsqu'on va parler des trois formes de mu'alat. Donc on va parler un peu plus de la première façon dans ce chapitre-là qui va suivre. Et il va expliquer que certains ont pris les textes, ils ont pris tous les textes qui parlent de Al-Mu'alat, et ils l'ont mis dans une seule catégorie, qui est la catégorie de ce qui fait sortir de la religion sans comprendre. Et en ce qui concerne la deuxième voie ou la deuxième façon, on en a parlé dans le troisième point ou la troisième question de l'introduction, lorsqu'on a parlé au début du livre de l'innocence des imams de la da'wah, ceux qui prétendent s'affilier à eux parmi les extrémistes. On dit que les imams de la da'wah, hein, du Najd, la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sont innocents de ces extrémistes qui prétendent les suivre parmi les Khawarij. Hein. Et donc on a parlé de la deuxième façon, on en a parlé au début du livre, mais là le Cheikh il va en reparler. En ce qui concerne le premier exemple qu'on va parler maintenant, il va en reparler encore plus dans un chapitre qui va suivre, inshallah. Donc, on va lire les paroles de l'imam Al-Ajurri ici. Il dit « Wal-Khawarij, humushurra, al-anjas, al-arjas, ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم نعم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه نعم. Donc on va commencer par traduire ça, on va continuer par la suite. Donc l'imam Al-Ajurri il explique dans Al-Sharia que les Khawarij sont ce qu'on appelle Ash-Shurra, hein, et sont des gens sales et impurs et mauvais. Et ceux qui sont sur leur voie parmi tous les autres Khawarij. Il faut savoir ici que les Khawarij, ils ont plusieurs noms. Hein, ils ont plusieurs noms par lesquels on les appelle, comme Ash-Shurra, et on les appelle également Haruriya, hein, on les appelle Haruriya, et on les appelle également par d'autres noms qui sont connus parmi les différentes personnalités qui sont apparues avec la aqida des Khawarij. Donc, si vous regardez, par exemple, dans certains livres qui ont été écrits par des imams, par des ulama de l'islam qui classifient les différentes sectes, eh bien, quand vous allez voir, par exemple, les catégorisations des différentes sectes, on mentionne les khawarij, et puis là, on va énumérer, par exemple, des dizaines de différents noms des khawarij. C'est pour dire que, parfois, il y a une tête parmi les khawarij qui sort et les gens le suivent. Donc, on leur donne, ou on donne à cette secte parmi les khawarij, le nom de cette personne qu'ils suivaient. Hein? Ou bien, parfois, c'est autre chose. Des fois, c'est pas... Des fois, ce n'est pas nécessairement un nom de personne, ça peut être un nom d'endroit aussi, comme Al-Haruriya, c'est par rapport à l'endroit où ils s'étaient réunis, à Harura. Hein? Donc, à cause de ça, on les a appelés Haruriya. Et il y a Al-Azariqa, il y a Al-Abadiya, et il y a d'autres également. D'accord? Donc, ils ont plusieurs noms, mais toutes ces différentes tendances, toutes ces différentes voies, comme à notre époque aujourd'hui, il y a les Sururiya, hein, qui font partie des Khawarij, qui suivent Mohammed Zain Abidin Surur en Arabie Saoudite et ailleurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle Al-Qutbiya, hein, Al-Qutbiya qui suivent Sayyid Qutb, hein, qui faisait le takfir des musulmans. Donc, il y a différents noms pour les Khawarij. Et, yani, peu importe, ils font tous partie, yani, de cette tendance extrémiste qui a dévié de la sunna, hein, qui est tombé dans l'exagération et dans l'extrémisme, dans le takfir. Donc, toutes les différentes voies des khawarij, ils se les transmettent de génération en génération. Ils transmettent cette voie d'égarement, de génération en génération, et ils se suivent dans cette bid'ah. Et ils sortent contre les dirigeants, contre les imams musulmans. Et ils rendent le sang des musulmans halal. Et la première des cornes qui est sortie parmi les cornes des Khawarij, comme le professeur Hassan a mentionné, qu'ils vont avoir plusieurs cornes qui vont sortir à travers l'histoire, et chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux combattent avec le Dajjal. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux combattent avec le Dajjal. Donc, la première de ces cornes qui est sortie, c'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme, c'est Dhul Khuwaysira, comme on l'appelle, qui a insulté et attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il distribuait le butin. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Muhammad, je ne te vois pas agir avec justice. Sois juste. » Il lui a dit, « Sois juste. Je ne te vois pas agir avec justice. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Malheur à toi. Qui d'autre sera juste si moi je ne suis pas juste ?» Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab a voulu le frapper avec son épée pour le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retenu et l'a empêché de le faire. Il l'a empêché de le tuer et il a mentionné à son sujet que lui ainsi que ses compagnons, c'est-à-dire Dhul Khuwaysira, ainsi que ses compagnons, il a des compagnons à lui, et si vous, par exemple, si l'un d'entre vous comparait sa prière, c'est-à-dire il s'adressait aux sahaba en disant, si l'un d'entre vous parmi les sahaba comparait sa prière à leur prière à eux, eh bien il aurait méprisé sa prière par rapport à leur prière. Et le jeûne, c'est la même chose. Si les sahaba comparaient leur jeûne à eux au jeûne des khawarij, eh bien ils auraient méprisé leur jeûne, parce que ce sont des gens qui sont extrémistes, hein, l'application de l'islam et des règles de l'islam, et ils vont dépasser toutes les limites dans cette voie-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout de suite après qu'ils vont quitter l'islam, ils vont sortir de la religion de la même manière qu'une flèche lorsqu'elle est lancée sur une proie. Dans certaines narrations, il y a même la mention que elle passe à travers la proie ou la cible, hein, et elle la traverse, c'est-à-dire elle traverse l'animal, et yani, lorsqu'on la regarde, la flèche, il n'y a aucune trace yani, de sur la flèche qu'elle a traversée, cet animal-là. Il n'y a aucune trace nulle part. Donc c'est pour dire qu'ils sortent comme ils sont rentrés aussi rapidement de l'islam. Parce qu'ils sont rentrés par ignorance, avec une mauvaise compréhension. C'est ça. Donc il a expliqué qu'ils vont sortir de la religion, hein, comme la flèche lorsqu'elle quitte l'arc. Et il a ordonné, le professeur sallam a ordonné dans plusieurs hadiths de les combattre. Et il a expliqué le mérite qu'il y avait dans le fait de les combattre ou dans le fait يعني de les tuer, les khawarij. الذي بين فضل من قتلهم أو قتلوه. Et ça dit, il a montré le mérite de les combattre ou de se faire tuer par eux. Donc si quelqu'un se fait tuer par les khawarij, yani, le professeur sallam a mentionné que ça c'est la meilleure personne sous le ciel, soit celui qui les tue ou celui qui se fait tuer par eux. Donc il y a un mérite dans le fait de les combattre et de les combattre ou de se faire tuer par eux ou de les tuer. Et bien entendu, comme les ulama ils l'expliquent à ce sujet-là ici, lorsqu'ils en parlent, ils disent bien entendu c'est lorsque ce combat-là se fait avec le dirigeant des musulmans, hein, contre les khawarij. C'est le dirigeant qui les combat, c'est pas des individus qui s'organisent tout seuls puis qui font ça indépendamment du dirigeant. Naam. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان فما أطاقوا ذلك ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه وقاتل معه الصحابة فصار سيف علي ابن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh l'imam Al-Ajurri il explique que par la suite ils sont sortis de différents pays, de différentes villes, et ils montraient en apparence qu'ils voulaient ordonner le bien et interdire le mal, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Médine. Et c'est là qu'ils ont tué Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, les sahabas du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient à Médine, ont essayé de faire des efforts pour empêcher que Othman soit tué par les Khawarij, mais ils n'ont pas été capables, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils n'ont pas été capables de les empêcher. La plupart des sahabas à ce moment-là, ils étaient tous sortis à l'extérieur pour combattre dans différentes régions. Donc, ceux qui étaient à Médine n'ont pas été capables de les empêcher. Après, des Thumma Kharajou. Donc ensuite, ils sont sortis aussi contre Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et ils l'ont tué. Ils n'ont pas été satisfaits. À la fin, c'est un Khariji qui l'a tué. Mais là, le cheikh dit, puis ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, et ils n'ont pas été satisfaits de son règne, ou plutôt de son khilaf. Ils n'ont pas accepté. Et ils ont laisser paraître l'expression ou le slogan ou la parole qu'ils qu'ils ont dit à ce moment-là, la hukma illa lillah. Un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui de la part des Khawarij, lorsqu'ils parlent de al-hakimiyya, hein, c'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de jugement excepté celui d'Allah. Il n'y a pas de jugement excepté à Allah. Donc aujourd'hui, ils disent ça, ils utilisent la même formule que les Khawarij de l'époque. Alors Ali, radiallahu anhu, il a dit c'est une parole vraie par laquelle ils veulent quelque chose de faux. Ils utilisent une parole qui est vraie, mais ils veulent avec faire dire quelque chose de faux. Hein, parce que ils comprennent pas la réalité de cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de jugement excepté celui d'Allah. Et donc, en tout cas, Ali radiallahu anhu, le cheikh il dit, Ali radiallahu anhu a dit, après avoir dit, donc il a dit, c'est une parole vraie par laquelle ils veulent le faux, et il les a combattus. Hein? Ali radiallahu anhu les a combattus. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait l'honneur de les combattre. C'est-à-dire, Ali, Allah a fait l'honneur à Ali, radiallahu anhu, de combattre les Khawarij. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait informé du mérite qu'il y avait dans le fait de les combattre ou d'être tué par eux. Hein? Et les Sahaba ont combattu les Khawarij avec Ali, radiallahu anhu. Donc, le cheikh, il dit que son épée, l'épée de Ali contre les Khawarij, est devenue donc une épée de vérité jusqu'au jour de l'heure, jusqu'au jour où l'heure du jugement dernier sera établie. Naam. Et ça, c'est rapporté par, il y a le hadith à ce sujet-là qui est rapporté par l'imam muslim dans le kitab Zakat. Et la plupart des hadiths qui parlent des Khawarij, justement, sont cités par l'imam muslim dans le kitab Zakat. Tandis que l'imam al-Bukhari, il les cite également, mais dans un autre, dans d'autres chapitres. Mais l'imam muslim, il les cite dans Kitab al-Zakat, dans la distribution, lorsqu'il parle, étant donné que c'était au moment où le prophète Sansim distribuait le butin qu'il a mis en garde contre les Khawarij, eh bien, l'imam muslim a mentionné les hadiths à ce sujet-là dans ce chapitre, Kitab Zakat. Bien entendu que, bon, ensuite, ici, donc ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Ajuri. Après le cheikh dit, فكان الواجب أن لا يخوض في هذا الباب بل يردوه إلى الراسخين في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم والعامل الخاص والمطلق إلى المقيد وكما قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مخاطبا أشباه هؤلاء الغلاة ممن ظهروا في عصره. Donc le cheikh dit que il aurait été plutôt obligatoire pour eux de ne pas rentrer dans ce genre de sujet et de ne pas patauger dans ce domaine. Ils auraient plutôt dû le renvoyer aux hommes qui sont fermement enracinés et fermement ancrés dans la science, pour que ces savants-là ramènent qu'est-ce qui est équivoque, pour qui prennent qu'est-ce qui est équivoque pour le ramener à ce qui n'est pas équivoque dans le Coran, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mutashabih, ce qui peut avoir plusieurs interprétations, eh bien ils le ramènent à qu'est-ce qui est muhkam. C'est-à-dire qu'est-ce qui est clair et qui ne peut pas être compris autrement. Et la même chose, ils auraient ramené qu'est-ce qui est général à qu'est-ce qui est spécifique et particulier, et ils auraient également ramené qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est restreint à qu'est-ce qui n'est pas restreint ou limité. Et donc ça, c'est la façon des ulama, lorsqu'ils trouvent des textes dans la révélation qui sont général ou qui sont équivoques ou ainsi de suite, ils savent comment les comprendre et les prendre pour les ramener à leur base, pour les expliquer correctement. Les gens d'égarement et les gens d'ignorance, ils ne comprennent pas ces textes-là comme il faut, et ils les font en fait frapper les uns contre les autres, et ils tombent dans la contradiction et dans l'égarement à cause de ça. Na'am. Donc, le cheikh ensuite, il cite, il dit l'exemple du cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan al-Sheikh, un des imams de la da'wa, des descendants du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a eu affaire avec cette catégorie d'extrémistes parmi les khawarij de son époque, qui sont apparus à son époque. Et c'est ça ce qu'il leur a dit. Hein, il leur a adressé des lettres pour leur expliquer leurs erreurs et les appeler à revenir. Donc il dit, il leur a écrit en disant « وَخُدْتُمْ فِي مَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ كَالْكَلَامِ فِي الْمُوَالَاتِ وَالْمُعَادَاتِ وَالْمُصَالَحَ وَالْمُكَاتَبَاتِ وَبَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالْهَدَايَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالضَّلَالَاتِ والحكم بغير ما أنزل الله عند البداوي ونحوهم من الجفات لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب انتهى كلامه. Donc il leur dit que ils ont pataugé, vous avez pataugé dans des questions à ce sujet-là, comme le fait de parler à propos de al-muwalat ou al-mu'adat et des ententes, hein, des accords et des ententes, il y a des réconciliations, des al-mukatabat, il y a les échanges par écrit avec les d'autres dirigeants ou d'autres personnes, le fait de donner de l'argent et des cadeaux à des non-musulmans ou des choses comme ça, et ainsi que des paroles des gens du shirk, qui font le shirk avec Allah, ou qui disent des paroles d'égarement, ou le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, ou bien de qu'est-ce qui est dit auprès de auprès des gens des bédouins, des gens qui qu'est-ce qu'on entend dire chez les bédouins parfois, ça c'est des sujets. Il dit que seuls les ulama sont doués de compréhension et d'intelligence et qui ont reçu une compréhension de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sagesse et un discours clair et tranchant dans ces questions-là, c'est uniquement eux qui ont le droit de parler de ce genre de choses. Hein? Donc le cheikh dit « وَكَانَ قَدْ قَالَهَا رَحِمَهُ اللَّهِ لَمَّ ابْتُلِيَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ فِي وَقْتِهِ بِأَقْوَامٍ غُلَاتٌ جُفَاتٌ يهجمون على التكفير بنصوص لم يفهموها ولم يعلموا وجهها حيث قال رحمه الله درر السنية. Donc il dit ici que l'imam Abdul Latif al-Sheikh, il a mentionné cette parole lorsque les imams de la da'wa à son époque ont été éprouvés par des extrémistes, hein, qui étaient durs et qui attaquaient ou s'attaquaient et rentraient dans le takfir en se basant sur des textes qu'ils n'avaient pas compris correctement. Et ils ne savaient pas réellement comment les comprendre et comment les appliquer. Alors le cheikh, il leur a répondu, il les a réfutés dans Durar al-Saniyah. On retrouve ça le volume 1 à la page 466. Et c'est pour ça que vous trouvez souvent dans les sites des takfiriens. Ils ont différents sites. Et une des particularités de leur site, c'est qu'ils font le takfir de tous les dirigeants. Et qu'ils font le takfir des musulmans et des ulama. Et ils vont citer parfois des paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou bien de Cheikh Abdul Latif al-Sheikh, ou bien d'autres ulama de la da'wa najdiya, mais ils prennent des morceaux de citations parfois qui sont mal compris ou hors de leur contexte ou des choses comme ça, puis ils essaient de les appliquer à notre époque et ils essaient de faire le takfir en se basant sur ces paroles-là et ces textes-là. Donc ici le cheikh il leur répond dans ce livre-là, malgré que eux ils essaient de se référer à ces livres-là, eh bien, dans ces mêmes livres-là, il y a la réfutation de leurs erreurs et de leurs égarements aussi, de la part même de ces imams auxquels ils prétendent vouloir se référer. Hein? Donc, ça, on va lire ça, Inch'Allah, et c'est pour savoir, c'est pour en même temps faire savoir. Une des caractéristiques aussi pour reconnaître leur site de takfir, c'est qu'on retrouve dans ces sites-là des écrits, des documents traduits de l'arabe au français, et aussi il y en a en anglais, si c'est des sites anglophones. Mais une de leurs caractéristiques, c'est que leurs textes ne sont jamais, c'est-à-dire leurs textes ne sont jamais signés par des noms qu'on peut reconnaître. C'est-à-dire ils écrivent toujours sous des faux noms ou bien des surnoms, hein, des surnoms ou bien des kunya. Hein, ils utilisent une kunya, mais des kunya de gens qu'on connaît pas. Il n'y a personne qui connaît ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils prennent des citations de différents savants pris un petit peu par n'importe où et ils les mettent ensemble et puis ils écrivent des chapitres comme pour justifier le takfir qu'ils font et ils prennent des paroles de tel savant ou de tel savant ou de tel savant puis après ils les mettent ensemble et puis après ils font leur propre conclusion à partir de ces textes-là. Mais comme je dis, ils vont jamais écrire leur vrai nom pour qu'on puisse les reconnaître et pour qu'on puisse savoir qui ils sont. Donc, on sait très bien que dans l'islam, et selon les gens de la sunna, il y a un principe, c'est qu'on ne doit pas prendre notre science de gens qu'on ne connaît pas, hein, des inconnus. Et donc, tous leurs sites sont des sites de gens inconnus, et les livres les textes qu'ils traduisent ne sont pas définis, on ne sait pas c'est qui est-ce qui les a traduits, on ne sait pas qui les a rassemblés, donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. On ne peut pas faire confiance à leur attitude et leur méthode. Et donc, c'est ça. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est des gens, ce sont des khawarij. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils se cachent. Hein? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'égarement et qu'ils disent des choses qui sont contraires à l'islam et à la sunna et à la voie des salafs. Et donc, étant donné qu'ils sont en contradiction avec la voie des salafs, ils sont obligés d'utiliser l'anonymat. Ils sont obligés d'utiliser ces moyens lâches pour attaquer les ulama et insulter les ulama également pour faire le takfir des dirigeants et défendre qu'est-ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas vous laisser faut pas vous laisser tromper par ces gens-là. Et si vous tombez sur ce genre de site et que vous reconnaissez des signes de ce que je viens de mentionner, eh bien, soyez sur vos gardes et ne faites pas confiance à ces livres-là et ne les lisez pas. Hein, ne lisez pas ce qu'ils écrivent. Hein, peu importe, même s'ils ramènent des montagnes de citations et des montagnes d'arguments, tout ça, c'est des choubouhats. Hein, c'est des choubouhats. Et prenez votre science des ulama qui sont connus et des gens qui ne se cachent pas parmi les tullab al-ilm et parmi les ulama et les mashaykh qui se réfèrent à des hommes de science connus et respectés. Souvent, une des références par rapport à ça, c'est pour les reconnaître aussi, c'est qu'ils vont souvent citer des savants qui sont morts. Ils vont pas citer des savants qui sont vivants. Ou s'ils citent des savants qui sont vivants, ce sont des savants qui sont pas connus. C'est-à-dire qu'ils sont pas connus par les musulmans en général et surtout par les gens de Ahl-Sunnah al-Jama'a, par les salafiyyin. Ils citent des gens qui ont une autre compréhension, une autre manhaj, qui sont sur la voie des khawarij eux aussi. Ou bien, bon, il y a plusieurs façons comme ça de les reconnaître, mais bon, ça c'est les plus apparentes et les plus connues. Sinon, ils font la défense de ces photos, ils font la défense des gens de Bid'a, hein, parmi les Ikhwan, parmi les autres takfiriyin. Donc c'est ça. Ça, c'est les signes les plus importants par lesquels on peut le rappeler. Donc, il dit, le cheikh Abdul Latif, il dit, dans la lettre qu'il a écrite à ces gens-là, il dit, « Min Abdul Latif, min Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan, ila Abdul Aziz al-Khatib. Assalamu ala man ittaba al-huda wa ala ibadihi al-salihin. Wa ba'd. فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجالدونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي بعد عن سبيل الرشد والعمى. Donc on va traduire ce début. Le chef, il explique, il écrit, de la part de Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan, à Abdul Aziz, donc il écrit à Abdul Aziz al-Khatib. Et il dit que la paix soit sur celui qui suit la guidance et sur ses serviteurs pieux. Ensuite, il dit, j'ai lu ta lettre et j'ai su ce qu'elle contenait et ce que tu as vu. Ce que tu as voulu faire comme excuse dans cette lettre. Mais tu as eu tort dans ta parole lorsque tu as dit ce que notre cheikh Al-Walid a dénoncé ou condamné de votre takfir des gens de la vérité et de la croyance que vous étiez correct. Hein, et que cette chose-là n'était pas venue de votre part. انما انكره شيخنا الوالد من تكفيركم اهل الحق واعتقاد اصابتكم انه لم يصدر منكم. Donc c'est ça, il est en train de dire dans sa lettre qu'il a écrite pour s'excuser, c'est comme si il disait que le cheikh Abdul Latif, il disait que c'était quelque chose qui ne s'était pas produit de leur part, c'est leur takfir et yani, la croyance qu'ils avaient raison, ça c'était pas vraiment quelque chose que c'était eux qui l'avaient fait. Et il dit après, le cheikh Abdul Latif, il dit, tu mentionnes que tes frères de la région de An-Naqir, les gens de An-Naqir, ils te fouettent. Ou bien ils sont en désaccord avec toi, ils sont en dispute avec toi à propos de nous, à notre sujet. Et qu'ils nous accusent de nous taire de certaines, à propos de certaines questions. C'est-à-dire, comme on l'entend aujourd'hui parfois, certains d'entre les takfiriens et les khawarij, ils accusent les ulama de se taire, hein, à propos des dirigeants ou des choses comme ça. Et il continue, le cheikh dit, et tu sais très bien que il mentionne cela en général pour nous attaquer, pour nous insulter dans notre aqidah et attaquer notre voix. Et même s'ils ne disent pas de façon claire qu'ils font notre takfir, hein, mais ils tournent autour de cela. Donc on recherche la protection d'Allah contre l'égarement après avoir eu la guidance et contre la déviation de la voie de la droiture et contre l'aveuglement. Il dit ensuite, « وَقَدْ رَأَيْتُ سَنَةَ أَرْبَعِنْ وَسِتِّينَ سَنَةَ أَرْبَعِنْ وَسِتِّينَ رَجُلَيْنَ مِنْ أَشْبَاهِكُمْ الْمَارِقِينَ بِالْأَحْسَاءِ قَدْ اَعْتَزَلَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَكَفَّرَ مَنْ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وحجتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه وهو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله ورتب على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على ردة الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا. Donc on va traduire juste ici maintenant. Donc il dit j'ai vu. Donc le chef maintenant il va mentionner un cas qui s'est produit déjà qui ressemble à celui dont il est en train de parler à propos de des gens qui étaient avec Abdelaziz Al-Khatib. Donc il lui dit j'ai vu en l'an 64 hein, en 64 c'est-à-dire je ne sais pas exactement l'année exacte mais c'était l'année 64 de peut-être c'était peut-être 1200 c'est sûrement 1200 à cette époque-là parce que le cheikh Abdel Latif n'a pas vécu dans notre siècle. Donc, si je me souviens bien. En tout cas, il dit en l'an 64, il y a deux hommes qui ressemblent à vous, parmi les Mariqil, parmi les Khawarij, qui ont sorti. Hein, et ils étaient dans la région de Al-Ahsa. Et ces deux individus-là, ils s'étaient écartés de la Jumu'ah et de la prière en Jama'ah. Donc, ils ne venaient plus à la Jumu'ah et ils ne priaient plus dans la prière en groupe. Et ils ont déclaré les musulmans de cette région-là. Et leur argument était semblable à l'argument que vous utilisez. C'est-à-dire que leur argument pour essayer de faire le takfir des musulmans était semblable à l'argument que vous utilisez. Il disait, les gens de Al-Ahsa, ils s'assoient avec Ibn Fayrouz. Hein, Ibn Fayrouz, c'est une personne yani, qui était présente à cette époque-là. Et ils disent, et ils s'assoyaient avec lui, et avec ses semblables, parmi ceux qui ne déclarent pas la mécréance du Tarot. Parmi ceux qui ne déclarent pas la mécréance du Tarot. Eh bien, les takfirines à notre époque, ils utilisent les mêmes expressions. Hein? Ils disent, par exemple, si tu ne déclares pas un dirigeant mécréant, hein, ou tel dirigeant mécréant, ils disent, ah, toi, tu n'as pas rejeté le tarot. Tu n'as pas mécru au tarot. Hein? Et ils disaient ça, la même chose, à propos de ceux qui s'assoyaient avec Ibn Fayrouz ou qui côtoyaient et fréquentaient Ibn Fayrouz et ses semblables. Et il disait qu'il n'avait pas rejeté ou refusé le tarot. Et il dit que Ibn Fayrouz n'avait pas explicitement fait le takfir de son grand-père qui avait refusé la da'wah du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et qui ne l'avait pas accepté et qui s'était opposé à celle-ci. Donc, il faisait le takfir de Ibn Fayrouz et de ceux qui étaient avec lui, hein, parce que il n'avait pas fait le takfir de son grand-père. Donc, pour ça, il considérait qu'il n'avait pas renié le tarot à cause de ça. Parce que son grand-père avait refusé la da'wah du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et qu'il s'était opposé à sa da'wah. Et les deux ont dit par la suite, donc ça c'était la première partie de leur argument. La deuxième partie de leur argument, c'est qu'ils disaient celui qui ne dit pas explicitement yani, que man lam yusarrih bi kufrihi, c'est-à-dire celui qui ne dit pas explicitement que son grand-père était un mécréant, un kafir, alors lui-même est un mécréant en Allah et il n'a pas refusé ou renié le tarot. Hein, et quiconque s'assoit avec lui est pareil. Hein. Donc, ils font le takfir de tous ceux qui s'assoient avec lui et qui ne disent pas explicitement que son grand-père était mécréant. Et ils disent qu'il est mécréant parce qu'il n'a pas fait le coffre du tarot. Et après, il associe à celui-là tous ceux qui s'assoient avec lui. Ils disent tous ceux qui s'assoient avec lui sont pareils. Donc, le cheikh Abdul Latif Ibn Abdurrahman al-Sheikh, il dit, en réponse à ça, il dit, donc, ils ont établi ces deux introductions, ces deux règles d'introduction, qui sont mensongères et égarées, et ils se sont basés là-dessus pour établir l'apostasie claire des règles de l'islam, hein, jusqu'à ce qu'ils ont même commencé à abandonner le salam, c'est-à-dire ils ne donnaient même pas le salam aux gens. Donc, il dit le cheikh que, c'est-à-dire si on leur donnait le salam, ils ne répondaient pas le salam. Et on a ramené leur cas à moi, pour que je juge par rapport à leur situation. Alors, je les ai fait venir, et je les ai menacés, et j'ai parlé avec eux durement. Et le cheikh, il dit, فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت شبهتهم وأضحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس. Donc il dit, premièrement, ils ont cru qu'ils étaient sur la aqida du cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et qu'ils avaient ses livres avec eux. Alors je leur ai démontré la fausseté de leur choubouhat et j'ai détruit leur égarement avec les arguments qui me sont venus au moment où j'étais avec eux. Les preuves que j'ai eues, que je me suis souvenu à ce moment-là, je leur ai mentionné pour détruire leur égarement. Et je leur ai expliqué et je les ai informés que le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab est innocent et se désavoue de cette croyance qu'ils ont et de cette voie. أخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وَبُلُوغِهَا الْمُعْتَبَرِ. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le cheikh Abdul Latif? Il dit, je leur ai donc expliqué que le cheikh était innocent d'eux, cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab était innocent de leur croyance et de leur voix, et que le cheikh ne faisait le takfir excepté que par rapport à ce que les musulmans étaient tous d'accord à son sujet, par rapport au fait que celui qui le fait est kafir. Par exemple, le fait de faire le shirk majeur, ou le fait de yani, renier les versets d'Allah et les signes d'Allah et de son messager, de renier son messager. Donc, ou quelque chose de ce genre. Donc, le shirk Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il faisait uniquement le takfir des choses sur lesquelles tous les musulmans sont d'accord. Comme par exemple de faire le takfir de celui qui fait le shirk majeur, ou qui renie les signes d'Allah, ou qui renie le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelque chose de ces signes-là. Après avoir établi sur lui la preuve, et après qu'elle lui soit parvenue de manière qui est correcte, hein, qui est suffisante, qui est prise en considération. Donc ici, il y a la preuve également contre les haddadiyyah, hein, qui, eux, disent que c'est pas nécessaire d'établir la preuve ou des choses comme ça, ou bien qu'ils disent que, yani, pas besoin d'établir la preuve, ou bien que personne n'est excusé de son ignorance. Ça, c'est la réfutation de ça, même dans les paroles du cheikh Abdul Latif. Puisqu'il dit qu'elle doit être établie, preuve, et qu'elle doit être parvenue de façon considérable. Pas n'importe quelle façon. Donc après il dit katakfir man abada salihin wa da'ahum ma'a Allah wa ja'alahum andadan lahu fima yastahiquhu ala khalqihi من العبادات الإلهية. نعم، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit comme exemple celui qui fait le takfir, le fait de faire le takfir par exemple de celui qui adore les hommes pieux, et qui les invoque avec Allah, ou qui fait d'eux des égaux avec Allah dans ce que seul Allah mérite par rapport à sa création, c'est-à-dire parmi les différentes formes d'adoration qu'on fait à Allah. Donc il donne à Allah des égaux dans l'adoration, et dans ce que seul Allah mérite. Et il dit que ça, c'est des choses sur lesquelles tous les hommes de science et de foi sont d'accord. Et tous les groupes parmi les gens des différentes écoles de fiqh, les madahib que les gens suivent, ils ont dans leur livre un grand chapitre qui parle uniquement de ce sujet-là, dans lequel ils mentionnent son verdict et ce qui implique l'apostasie et ce qui oblige et rend obligatoire l'apostasie. Et il mentionne ça de façon textuelle par rapport au shirk, il parle de ça de façon textuelle, c'est clair. Et l'imam Ibn Hajar, il a mentionné cette question-là même dans un livre qu'il a écrit, qui est séparé des autres livres qu'il a écrit, qui s'intitule Al-I'lam bi qawati' al-Islam. Donc dans ce livre-là, il mentionne ces choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Il dit وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور وقد بلغنا عنكم نحو من هذا. Donc il dit le cheikh que les deux, parce que c'était des Perses, les deux hommes en question, c'était des Perses. Alors il a dit les deux Perses ont fait montrer à ce moment-là qu'ils avaient des remords et qu'ils se sont repentis. Donc à ce moment-là, ils se sont repentis et ils ont prétendu qu'ils avaient compris la vérité maintenant. Puis on les a retrouvés dans le Sahel, un endroit qui s'appelle Sahel, la côte, probablement la côte. Et il dit ici que ils étaient revenus à leurs mêmes paroles. Qu'est-ce qu'ils disaient auparavant de faire le takfir? Et on nous a transmis à leur sujet qu'ils faisaient le takfir des dirigeants musulmans en disant que, ou prétexte qu'ils écrivaient au roi égyptien. C'est-à-dire que parce que les dirigeants musulmans qui étaient en Arabie à l'époque écrivaient des lettres et entraient en communication avec les rois de l'Égypte, eh bien, ils considéraient ça comme une forme de coffre. Et il faisait le takfir de tous ceux qui entraient en contact avec eux et qui leur écrivaient parmi les chouyours des musulmans. C'est-à-dire tous les chouyours musulmans qui écrivaient aux dirigeants, ils faisaient leur takfir. Na'ouzou billahi min ad-dalali ba'd al-huda. Et qu'on demande à Allah la protection contre l'égarement après avoir été guidé. Hein? Et il dit, on nous a parvenu, il nous est parvenu également de votre, de, à votre sujet des choses semblables. C'est-à-dire que là, il revient à la lettre qu'il avait écrite à Abdelaziz Al-Khatib. Il revient au sujet de ceux de, au sujet desquels il a parlé dans sa lettre. Et il dit, vous avez, on nous a fait parvenir à votre sujet des paroles semblables. Il dit, wa khuttum fi masa'ila min hadha al-bab, kal-kalam fi al-mu'alat wal-mu'ada, wal-musalahat wal-mukatabat, wa bathl al-amwal wal-hadaya, wa nahw dhalika, min maqalati ahli al-shirk billahi wad-dhalalat, wal-hukm bighayri ma anzala Allah, 'inda al-badawi wa nahwihim min al-jufat. لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمنا معرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بيننا وبين فهم السنة والقرآن. Donc le cheikh, l'imam ici, il dit, vous êtes rentré dans des sujets et vous avez pataugé dans des sujets à ce, par rapport à ce, cette question. Hein, à propos de la parole, à propos de al-wala wal-bara, al-mu'alat wal-mu'adat, les ententes, les écrits, les échanges entre les dirigeants et entre les dirigeants des autres pays ou des choses comme ça, le fait de donner de l'argent ou des cadeaux, et à propos des paroles des gens du shirk et de l'égarement, le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, hein, ou bien le jugement par autre que ce que Allah a révélé qui se produit chez les bédouins et les gens des bédouins qui sont par nature des gens qui sont durs actuellement, donc on les appelle al-jufat. Il dit, il y a personne qui parle de ces sujets-là, qui doit parler de ces sujets-là, excepté les ulama qui ont l'intelligence et la compréhension. Allah leur a donné la compréhension de ces questions-là, et Allah leur a donné la sagesse et la bonne expression, la bonne façon de parler et d'expliquer ces choses-là. La parole, donc, à ce sujet-là, ça s'arrête à des connaissances, hein, à connaître des choses qu'on a mentionnées préalablement, c'est-à-dire de connaître les grandes règles fondamentales et générales de la religion. Personne n'a le droit de parler dans ce sujet-là ou dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines de la religion s'il ignore ces règles fondamentales, hein, et générales de la charia. Et quiconque s'en détourne ou s'en ignore ces détails et qui rentre dans ces sujets-là et qui prend les paroles de façon générale et globale, hein, ou bien sans restriction, ou qui ne connaît pas la façon dont les paroles doivent être comprises en détail, eh bien, s'il fait ça, et s'il prend les textes de cette façon-là, eh bien, il va mélanger le vrai et le faux, et il va faire beaucoup d'erreurs. Hein. Et le fait de ne pas avoir de compréhension, hein, par rapport à ce qui a rapport à ces sujets-là, une compréhension qui vient d'Allah dans ces questions-là, eh bien, c'est quelque chose qui amène de la corruption dans la religion et qui empêche quelqu'un d'avoir une compréhension et un esprit clair par rapport à ces questions-là. Et c'est quelque chose qui va l'empêcher par la suite ou qui va s'interposer entre la compréhension du Coran et de la Sunna. Va s'interposer entre la bonne, entre lui et la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Ensuite, il mentionne des paroles de l'imam Ibn Qayyim dans Al-Kafiya et Al-Muniya. Il dit, rahimahullah, عليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. C'est-à-dire que l'imam Ibn Qayyim dit, je t'incite à t'accrocher à le fait de détailler, de clarifier les choses en détail et de ne pas te limiter à des formules ou à des paroles générales ou sans restriction, sans clarification détaillée, sans clarification et sans explication. Parce que ces deux choses-là, al-itlaq, al-ijmal, c'est-à-dire de se baser sur des termes généraux ou des textes généraux ou absolus, sans détailler, sans spécifier, sans clarifier les différentes conditions et les règles et les détails des différentes questions, eh bien c'est ça qui a corrompu l'existence et qui a confus et mélangé les gens dans leur compréhension et dans leurs opinions à toutes les époques. C'est une parole de l'imam Ibn Qayyim dans An-Nuniyah qui est vraiment bénéfique par rapport à cette explication-là. فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّبْيِينِ فَالْإِطْلَاقُ وَالْإِجْمَالُ دُونَ بَيَانِ قَدْ أَفْسَدَ هَذَا الْوُجُودِ وَخَبَّطَ الْأَذْهَانِ وَالْآرَاءِ كُلِّ زَمَانِ. Donc le cheikh il dit ensuite, terminer cette lettre, لأما التكفير في هذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام وأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما وقد قال الله إن الحكم إلا لله. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh Abdel Latif, pour terminer sa lettre? Il dit que le takfir, par les choses que vous avez mentionnées, et que vous avez cru comme faisant partie des éléments qui font que quelqu'un devienne mécréant, et que vous avez pensé que ces choses-là sont parmi les choses qui font sortir les gens de l'islam, et qu'il les fait devenir mécréants, eh bien ça c'est la voie des Khawarij, Al-Haruriya, Al-Mariqi, ceux qui sortent de l'islam et ceux qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, ainsi que contre les Sahaba qui étaient avec lui. Donc on voit que ici le Cheikh Abdel Latif il mentionne qu'il n'y a pas de différence entre les Khawarij de l'époque de Ali ibn Abi Talib et les Khawarij de son époque. Ces gens qui avaient ces choubouhats, ils les considéraient comme étant sur la voie des Khawarij. Et on entend souvent à notre époque des takfiriyins et des Khawarij parmi les jeunes qui, lorsqu'ils parlent des dirigeants, ils disent que les dirigeants à l'époque des Sahaba, que ça c'était pas pareil qu'aujourd'hui, parce qu'ils disent que eux c'était des musulmans et qu'ils appliquaient l'islam et des choses de ce genre, et qu'aujourd'hui c'est pas pareil, que les dirigeants sont pas dans la même situation, parce que aujourd'hui il y a des lois qui ont été prises par qui ont été faites par des non-musulmans puis qui sont appliquées dans les pays musulmans, et que il y a des choses de ce genre. Donc ils pensent que ça c'est quelque chose qui distingue entre les deux, et que on ne peut pas appliquer donc ces paroles-là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que les Khawarij de l'époque c'est pas applicable, qu'est-ce qu'on a dit à leur sujet, c'est pas applicable à ceux qui font le takfir des dirigeants aujourd'hui. Et la réalité à ce sujet-là, c'est que c'est encore pire même que les Khawarij d'avant. Les Khawarij d'aujourd'hui, qui font le takfir des dirigeants aujourd'hui, sont encore pires que les Khawarij de l'époque. Et en même temps, on peut comprendre que si ces Khawarij à l'époque, les Sahaba étaient capables de faire le takfir des Sahaba, alors que c'était les meilleurs de toute la Ummah, hein, les plus pieux, les plus savants, les plus respectueux de la charia de l'islam, si eux ils étaient capables de faire le takfir de ceux-là, donc il n'y a pas, des dirigeants qui vont être plus pieux qu'eux par la suite. Donc si on peut se permettre de faire le takfir d'eux, des sahaba, eh bien il n'y a plus de limites par la suite. Il n'y a plus de restrictions. Et les dirigeants qui viennent après les sahaba, c'est certain qu'ils ne seront jamais au niveau de piété que les sahaba. Jamais. Donc, ça veut dire que c'est la porte ouverte au takfir de toute la Ummah par la suite. Si tu fais le takfir des sahaba, tu peux faire le takfir de toute la Ummah au complet. Parce qu'il n'y a pas meilleur que. Hein? Et en même temps aussi, c'est que les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont divisé le fait de juger par autre que la loi d'Allah en deux catégories. La catégorie de ce qui est kufr majeur et la catégorie de ce qui est kufr mineur. Comme Abdullah ibn Abbas l'a mentionné dans l'explication des versets qui parlaient de ce sujet-là, quand il a dit qu'il y a une catégorie qui est kufr duna kufr, hein, c'est-à-dire qu'il y a un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Et tous les ulama d'Ahl Sunnah se sont référés à cette division-là, sauf les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils mettent le fait de juger par autre que la loi d'Allah dans une seule catégorie, et pour eux, c'est le kufr majeur qui fait sortir de l'islam seulement. Il n'y a pas pour eux de catégorie de kufr mineur. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont dévié dans cette question-là. Et ils essaient, par plusieurs moyens, de rejeter et de nier cette parole de Abdullah ibn Abbas, malgré qu'elle est authentique, elle a été authentifiée par plusieurs d'entre les ulamas de l'islam. Je pourrais donner comme exemple l'imam al-Bukhari et par exemple également l'imam al-Tabari dans son tafsir, l'imam al-Qurtubi, l'imam ibn Kathir, pour mentionner d'autres exemples aussi, l'imam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyim, et bien d'autres imams d'Ahl Sunnah qui ont mentionné cette parole et cette règle. Et c'est pas seulement la parole de Abdullah ibn Abbas qui supporte ce principe-là, qu'il y a un kufr duna kufr, ou qu'il y a un kufr mineur qui fait pas sortir de l'islam, ou qui est un grand péché quand même, mais qui fait pas sortir de l'islam. C'est expliqué même par plein d'autres versets, plein de hadiths, et ça fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, d'essayer de nier ça, c'est complètement absurde, et c'est même la preuve même que ces gens-là sont des Khawarij. Il rejette la parole d'Abdullah ibn Abbas, hein, qui dit qu'il y a un kufr qui est moindre que le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, on pourra reparler de ça peut-être dans un autre moment, sinon on en a parlé déjà dans d'autres cours. Mais le cheikh, il continue et il explique ici, il dit que les Khawarij, à l'époque de Ali, radiallahu anhu, ils ont fait le takfir de Ali et des Sahaba parce que ils ont rejeté, c'est-à-dire les Khawarij de l'époque, eux, ils ont rejeté le fait d'avoir recours au jugement de Abu Musa al-Ash'ari et de Amr ibn al-As. Parce qu'ils avaient choisi ces deux personnes-là pour faire un arbitrage, hein, et pour faire une réconciliation. D'accord? Et donc, ils ont pris ces deux Sahabis, les Sahabes ont choisi ces deux Sahabis comme juges ou comme arbitre pour faire une réconciliation lorsqu'il y avait la fitna. Et c'est-à-dire lorsqu'il y avait la fitna entre Ali et Muawiyah et les gens de la Syrie, hein, de la région du Sham. Et les Khawarij ont rejeté cet arbitrage ou le fait qu'on prenne ces deux Sahabis-là comme juges. Hein, et à la base, les Khawarij faisaient partie des compagnons de Ali radiallahu anhu, et c'était parmi les élèves qui, c'était parmi des gens qui récitaient le Coran, qui étudiaient le Coran dans la ville de Koufa et de Basra, donc dans la région de l'Irak, hein, et ils faisaient partie de l'armée de Ali. Et ils ont dit à Ali, lorsqu'il a accepté le jugement que les deux sahabis jugent pour faire la réconciliation et la paix, les Khawarij ont dit à Ali, tu as pris des hommes comme juges dans la religion d'Allah et tu as pris pour allier Muawiyah et Amr, hein, et tu les as supportés et tu as été allié avec eux. Donc, tu as contredit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inil hukm illa lillah, c'est-à-dire le jugement n'appartient qu'à Allah. Hein? Et donc ils ont fait le takfir de Ali en se basant sur ce verset-là. Et bien entendu, c'est la preuve que ce sont des ignorants et que ce sont des égarés et des gens qui suivent leur passion et qui refusent de revenir aux Sahaba pour comprendre le Coran et la Sunna. Et on a l'exemple, là l'exemple n'est pas mentionné, mais dans d'autres livres, les ulama ont mentionné le débat qu'il y a eu entre Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et les Khawarij à l'époque, lorsque Abdullah ibn Abbas est descendu pour argumenter et parler avec eux, et qu'il est revenu avec, hein, je pense qu'il est revenu avec 2000 d'entre les Khawarij avec lui. Non, il en a repris 2000 avec lui. Et qu'il y a une statistique parmi ceux qui étaient avec les Khawarij qui ont quitté les Khawarij, qui sont revenus avec lui. Donc c'est pour dire que ils avaient des shubuhat et Abdullah ibn Abbas a réussi à clarifier ces shubuhat là pour certains d'entre eux. Donc ça c'est la première façon comment ils s'égarent, c'est qu'ils prennent des textes dans le Coran et dans la Sunna qui sont généraux et ils les prennent tels quels sans retourner aux autres versets et aux hadiths et aux explications des sahaba pour les comprendre. Donc ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les musulmans en parlant de ces textes-là sans connaissance. Comme le verset par exemple « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Hein? Ou des versets comme ça qui mentionnent le fait que celui qui ne juge pas par ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants ou des choses comme ça. Ou bien les versets qui parlent de Al-Wala Al-Bara. Par exemple, Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya, ba'dhum awliya wa ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, hein, alors il est un des leurs. Donc, ils prennent ces versets-là, hein, et ils se basent là-dessus pour faire le takfir, sans comprendre, hein, les textes qui clarifient, qui détaillent ces versets-là et qui les expliquent. Et quand est-ce que le fait de prendre des kuffars pour alliés, quand est-ce que c'est de les prendre pour alliés, et quand est-ce que cela fait sortir de l'islam et quand est-ce que ça ne fait pas sortir de l'islam, ça ils ne savent pas, hein, parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam comme il faut. Donc ça c'est la première façon par laquelle ils se sont égarés dans ces questions-là. Et ensuite il y a la deuxième façon, et la deuxième façon le cheikh il explique, il dit At-tariq al-thani rubbama تتبع هؤلاء الغلاة عبارات مجملة لبعض أئمة الدعوة السلفية النجدية أطلقوه فيها بعد قيام الحجة كفر أطلقوا فيها بعد قيام الحجة كفر من تولى عباد القبور والأضرحة والطواغيت الذين قاتلوا أهل التوحيد فأعانوهم بالنفس أو المال أو الكلمة محبة بظهور دينهم فنزلها الغلاة على غير مراد هؤلاء الأئمة بل أنكروها أشد الإنكار ومن هذه التفسيرات البينة التي يجب مراعاتها عند قراءة المجمل من كلام العلماء ما قرره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند ذكره قاعدة الولاء والبراء في دعوته التي هي تجديد لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال أصل دين الإسلام قاعدته قاعدة وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Donc le cheikh dit la deuxième voie ou la deuxième façon comment ces gens-là ont dévié par rapport à al-wala ou al-bara. Le cheikh explique que c'est probablement dans le fait qu'ils vont prendre par exemple des citations générales de certains imams de la da'wa al-salafiyya al-najdiyya et ils vont prendre ces textes-là dans lesquels ces imams ont mentionné de façon absolue, après avoir établi la preuve, la mécréance de ceux qui ont pris pour alliés les adorateurs des tombeaux et des tombes et des tawarites, qui ont combattu les gens du tawhid et qui ont aidé les gens qui combattaient le tawhid à l'époque avec leurs biens ou même avec des paroles qui montraient qu'ils aimaient que le shirk prenne le dessus, et que le tawhid soit écrasé. Et donc ça c'était des paroles de ces imams-là qui étaient dites dans un contexte bien spécifique et par rapport à des personnes bien spécifiques après que la preuve a été établie contre eux, et ce sont des paroles générales, et donc eux, ces khawarij à notre époque, les extrémistes, ils prennent ces paroles de ces imams-là sans les prendre dans le sens que ces imams-là ont voulu, même que c'est dans un sens que même ces imams-là eux-mêmes ont condamné qu'ils les prennent, et ils essaient de les appliquer sur d'autres personnes, ou sur des dirigeants, ou sur des savants, ou sur d'autres individus. Et le cheikh dit, et parmi les exemples de ces formes de paroles ou de citations qui sont mentionnées par ces gens-là, ils prennent par exemple des paroles de ulama qui sont générales pour faire le takfir, comme ce que l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a mentionné dans la règle de Al-Wala ou Al-Bara, par rapport à sa da'wa, qui est une revivification et une réforme de la da'wa du cheikh une réforme de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sa da'wa c'était de faire revenir la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de purifier la religion pour qu'elle soit revenue à sa pureté d'origine. Donc il mentionne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Ad-Durar As-Saniya, le volume 2 à la page 22. Il dit, la base de la religion de l'islam et son principe sont de deux. Le premier, c'est l'ordre d'adorer Allah, lui seul, sans associé, et d'inciter les gens à cela, et d'aimer pour cela, et de faire le takfir de celui qui l'abandonne, c'est-à-dire de celui qui abandonne le tawhid. Et deuxième règle, c'est d'avertir contre le shirk et c'est-à-dire d'avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire de ne pas associer avec Allah dans l'adoration. Deuxièmement, et d'avertir sévèrement contre cela. Et ensuite il dit, et d'opposer ou de détester par rapport à ça, c'est-à-dire de détester celui qui fait le shirk, et takfir man fa'alahu, c'est-à-dire de déclarer mécréant celui qui fait le shirk. Donc ils vont se baser sur ce genre de citations-là, ce genre de paroles, qui sont des paroles vraies, mais qui sont des paroles générales, qui ne sont pas détaillées ou spécifiées avec des règles qui parlent des différentes catégories, des différentes sortes, des différents. Donc ils se basent sur ce genre de citations-là. Là, après, le cheikh, lui, il mentionne des exemples des paroles des savants qui clarifient justement le fait que certains d'entre eux se basent sur ce genre d'exemples. Il dit, par exemple, « وَلَمَّا نَقَلَ الشَّيْخ سُلَيْمَان بِنْ سِحْمَان هَذَا الْكَلَامِ قَالْ فِي كَشْفَ الشُّبْهَتَيْنِ فَلَا بُدَّ من تكفير من فعل الشرك والإنذار عنه والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وكذلك الموالاة وكذلك موالاة من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من ترك عبادة الله. انتهى كلامه. متقدمت قريبا كلام الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حين قال للغلاة المنتحلين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن ادعوا أنهم على عقيدته وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات الإلهية وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه أهل العلم والإيمان. Donc le cheikh il dit que le cheikh Sulaiman bin Sihman il a cité cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit donc il faut faire le takfir. C'est dans son livre Kashf al-Shubhatayn à la page 53. Il a dit il faut donc faire le takfir de toute personne qui fait le shirk et avertir à son sujet. Et faire cela de façon stricte et sévère, et opposer les gens et les détester par rapport à ça. De même qu'il faut aimer et s'allier à celui qui ordonne l'adoration d'Allah seul, sans partenaire, et inciter les gens à cela, et faire le takfir de celui qui abandonne l'adoration d'Allah. Ça, c'est la fin de la citation. Le cheikh, il dit, on a déjà mentionné préalablement la parole du cheikh Abdul Latif, Abdurrahman ibn Hassan, lorsqu'il a parlé à propos des extrémistes qui prétendaient suivre la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab parmi ceux qui prétendaient être sur la même aqida que lui. Et il leur a dit quoi? Il leur a dit, je les ai informés de l'innocence du cheikh par rapport à cette croyance. Et par rapport à cette voie. C'est-à-dire que le cheikh, il n'a rien à voir avec cette croyance et cette voie que vous avez vue. Et il ne fait pas le takfir, except, il ne fait le takfir que de ce sur quoi les musulmans sont tous d'accord par rapport à son takfir. Celui qui fait quelque chose, il fait le takfir seulement de ce sur quoi tous les musulmans sont d'accord pour déclarer celui qui le fait comme étant un kafir. Comme par exemple le shirk majeur, ou le fait de renier les signes d'Allah et de son messager, ou ce qui est semblable à cela, après avoir établi la preuve et après qu'elle soit transmise de façon convenable et de façon considérable. Comme le fait de faire le takfir des gens qui adorent les hommes pieux, qui les invoquent avec Allah et qui les prend comme des égaux, dans ce que seul Allah mérite, ils prennent des égaux parmi la création d'Allah, dans ce que seul Allah mérite, et dans l'adoration, et dans les adorations. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel tous les hommes de science et de foi sont d'accord. Fin de la citation. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas des paroles des ulama comme les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui, quand il dit des règles générales à propos de la tawhid, à propos de la religion, à propos du takfir, il ne faut pas les prendre dans leur sens direct comme ça, sans retourner aux règles et aux principes qui clarifie ces textes-là et ces explications-là. Donc, si tu vois que le cheikh il dit pour faire le takfir de tous ceux qui font ci ou ça, ou qui disent telle ou telle chose, ça c'est comme les ulama ils disent takfir, takfir al-mutlaq. Ou bien takfir al-am, takfir général, takfir absolu, général, absolu. Et il y a une autre catégorie qui est takfir al-mu'ayyan, enfin le takfir de l'individu en particulier et de le désigner lui-même personnellement comme étant kafir. Ça, c'est quelque chose qui nécessite des conditions bien spécifiques, claires, et que ce n'est pas n'importe qui a le droit de se permettre de faire ce genre de choses-là. Donc ça, c'est la cause de la deuxième égarement. Le cheikh, il mentionne plein de citations par la suite. On n'a pas le temps de les lire maintenant, mais on va les lire, inshallah, au prochain cours, inshallah. Puis, c'est ça qui va conclure le point, le chapitre. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera le cours, inshallah, samedi prochain. Sinon, en attendant, aussi, je voulais juste donner l'information que les cours réguliers qu'on faisait avant le Ramadan vont reprendre comme avant, inshallah, et que on va faire le samedi al-wala wal-bara, et que le dimanche on va faire l'explication Cheikh Al-Fawzan de Al-Hamawiyya, comme on faisait, et la semaine on va rajouter quelques cours pendant le mois d'août, on va rajouter des cours de manhaj le lundi, mardi et mercredi, et le jeudi un cours de fiqh. Donc je vais diffuser l'horaire et le programme détaillé de ces cours-là, inshallah, bientôt, probablement demain ou dans les jours qui vont suivre, inshallah, et je vais indiquer les heures exactes. Et maintenant, les cours seront diffusés non seulement sur Paltalk, mais également sur la radio de Sunna Publication. Donc, alhamdulillah. Donc, on va cesser maintenant le cours. Il y a également des cours qui sont donnés à la mosquée ici à Montréal, ceux qui habitent à Montréal, à la mosquée Ibn Taymiyyah sur Papineau. Et ces cours-là sont pas diffusés malheureusement sur Internet parce que il n'y a pas de connexion Internet dans la mosquée encore. Donc pour le moment, c'est pas possible. Mais c'est possible que par la suite, Inch'Allah, si jamais on a une connexion Internet, qu'on arrive à faire diffuser les cours en ligne, même ceux qu'on donne à la mosquée, Inch'Allah. Donc, dans ce cas-là, ce sera plus profitable pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, on est en train de faire la continuation du charh de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Zayd al-Madkhali. Donc, on espère que ce sera bénéfique, surtout qu'il y a des nouveaux convertis. Et donc, c'est très important pour eux d'apprendre les fondements et les bases. Et Al-Usul al-Thalatha, c'est un livre très, très bénéfique et très important justement pour clarifier ces principes de base-là dans la religion. Donc, c'est la fin de notre cours, donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.